la patience a des limites. Et maintenant, on peut les observer tout à son aise. Quel accoutrement! Chacun des quatre a son costume, ça tient du cow-boy, du marquis Louis XV, du clown et de Greta Garbo. C'est déjà un beau panorama. Could not foresee this.